Et là, mon gros, il va voir, c'est ça, mon Dieu. Il veut dire que ça, mais ça, la combat est ici, là. Bon, allez. Thank you. I'm gonna go to the next one.